Et qu'elle tourne la porte à 6h, la juge passe dans le viseur. Elle est que tourne la porte à 6h, la juge passe dans le viseur. Le coffre est plein, cousin, viens on y va maintenant. Viens on y va maintenant, viens on y va maintenant. Regarde-moi bien, cousin, je vais pas te regarder. Moi je vais te bombarder, c'est direct la bagarre. Ils en font des tonnes, ils béton pour des grammes. Je regarde pas la couleur, on sera tous jugés par nos âmes. J'ai plus confiance en l'animal qu'en les hommes. Madame la juge, c'est pas moi, c'est de la faute des autres. On tient les blocs, ils tiennent des zizi. On vend coke, shit, beuh, jusqu'à minuit. Tu peux me croiser, RS, Audi ou en pluie. Oui, j'encaisse sale, Yankee sale, billet sale, couleur kiwi. Vends l'OPJ, je deviens muet, j'en perds Louis. Je suis marocain, mais je suis né dans le pays de Louis. C'est que mon usine n'est pas usée, je calme ta folie. Je tiens plus avec une arme qu'en étant poli. Y'a les gueules, tourne la porte à 6h, la juge m'a dans le viseur. Ce que, y'a les gueules, tourne la porte à 6h, la juge m'a dans le viseur. Le coffre est plein, cousin, viens on y va maintenant. Viens on y va maintenant, viens on y va maintenant. Regarde-moi bien, cousin, je vais pas te regarder. Moi je vais te bombarder, c'est direct la bagarre. Ce que, y'a les gueules, tourne la porte à 6h, la juge m'a dans le Est-ce que y'a les gueules dans la porte à 6h, la juge m'a dans le viseur. Elle est du genre, le corps fait pas gros sérieux. Viens, on y va maintenant. Viens, on y va maintenant. Je sais que rien, ça ne m'arrête pas. Regarde-moi bien, connard, je vais pas te regarder. Moi je vais te bombarder, c'est direct la bagarre. Elle est consciente qu'elle dit qu'elle est jolie. Quand tu rires les mecs, c'est son kit, c'est son sévi. Ça ne m'arrête pas les pestes, ma face n'est qu'un test. Je reste, j'ai les mots, les gestes, oh oh. Mais ce soir je suis arrivé avec une pure go. Armé jusqu'aux dents, tout ce qu'il faut. À son passage je vois s'incliner les autres bimbo. Ma petite peste a tellement de côté son ego. Je la sens chaude comme jamais, West Beat comme jamais. Elle me parle comme jamais auparavant. Je crois qu'elle ne veut plus perdre de temps. Elle ne veut plus perdre de temps. Je la sens chaude comme jamais. Ma speed comme jamais. Elle me parle comme jamais auparavant. Je crois qu'elle ne peut perdre de temps. Elle ne peut plus perdre de temps. Il n'y a pas mieux dans notre milieu. Dans sa béton, elle ne voit rien de périlleux. Mais ça ne m'arrête pas les pestes. Parfois ce n'est qu'un test, donc j'assiste et je reste. J'ai les mots et les gestes, oh oh. Elle ne me montre jamais qu'elle me fait qui veut absolument pas que l'on pense qu'elle est easy. Mais ça ne m'arrête pas les pestes. Parfois ce n'est qu'un test, donc j'assiste et je reste. J'ai les mots et les gestes, oh oh. Mais ce soir je suis arrivé avec une pure go. Armé jusqu'aux dents, tout ce qu'il faut. À son passage je vois s'incliner les autres bimbo. Ma petite peste a celle mis de côté son ego. Je la sens chaude comme jamais. West Beat comme jamais. Elle me parle comme jamais auparavant. Je crois qu'elle ne veut plus perdre de temps. Elle ne veut plus perdre de temps. Je la sens chaude comme jamais. West Beat comme jamais. Elle me parle comme jamais auparavant. Je crois qu'elle ne veut plus perdre de temps. Elle ne veut plus perdre de temps. Elle fait la mala, fait la belle. Bonhomme, bonhomme, c'est laquelle. Je vais croquer, j'ai pas ton temps. Pendant que t'attends qu'elle appelle. Elle peut jouer sa méchante. Je vais faire descendre en rappel. De Kaza ou de Bra-Bra. De Conakry, de Bakel. Elle est fou sous son tissage. La nuit, le jour, ses visages. Bah oui, Cindy, laisse-la râler. Je vais lui parler de métissage. Il la regarde comme une expo. Moi, je la démarre dans le resto. Dans une heure, ça devient mon ex. Cousine, je suis pas trop texto. Elle a du buzz, elle est chiante. Je la connais, renoir. Sur ses réseaux, elle a plus d'abonnés que moi. Je l'ai checké comme franc-maçon. Et je l'ai pêché sans hameçon. Et si hameçon c'est pas le même mec, c'est bel écho grand garçon. J'ai l'air sans chaude comme jamais. West Beat comme jamais. Elle me parle comme jamais auparavant. Je crois qu'elle ne veut plus perdre de temps. Elle ne veut plus perdre de temps. Je la sens chaude comme jamais. West Beat comme jamais. Elle me parle comme jamais auparavant. Je crois qu'elle ne veut plus perdre de temps. Elle ne veut plus perdre de temps. Tous en vie, on traversera l'orage et la pluie. Tous rajoute des étoiles comme sur le plafond de la Rolls. C'est ce avant comme un rose. Paraît que la misère est moins pénible au soleil. Donc je fais mon trou esselé et l'addition sera salée. J'attends pas ma chance, je la provoque. Personne viendra me sauver. Je me taille loin de là, juste par ras-le-bol de la caille. Je me sens de plus en plus solide. Penché sur le profit, j'ai la maladie du billet. C'est toujours mieux que le Covid. Je peux pas lire l'avenir, mais sur le visage de mes frères. Et quand ils s'inquiètent, je regarde le ciel. Et je me sens comme six pieds sous terre. J'ai resté positif, même en plein confinement. Charbonne pour réussir, pas pour les compliments. Je déteste les si, je vois les choses en grand. Et j'ai changé de domicile, mais pas de sentiment. La mentalité du bendo, j'pars de zéro. J'suis déjà tombé, j'sais comment me relever. J'vois plus haut, j'pars de zéro. J'suis déjà tombé, j'sais comment me relever. Oh. J'perds pas le moral, ouais. Solo face à mes problèmes, ah ouais. Prie pour moi, me laisse pas m'en aller. Ah ouais. Mon cœur est déjà fou là, ouais. Faut regarder que mes défauts, bah ouais. J'trouverai plus d'amour ailleurs. La vie peut tuer le malheur. J'peux pas lire l'avenir, mais sur le visage de mes frères. Et quand ils s'inquiètent, j'regarde le ciel. Et j'me sens comme six pieds sous terre. Positif même en plein confinement. Charbonne pour réussir, pas pour les compliments. Je déteste les si, je vois les choses en grand. Et j'ai changé de domicile, mais pas de sentiment. La mentalité du bendo, j'pars de zéro. J'suis déjà tombé, j'sais comment me relever. J'vois plus haut, j'pars de zéro. J'suis déjà tombé, j'sais comment me relever. Positif même en plein confinement. Charbonne pour réussir, pas pour les compliments. Je déteste les si, je vois les choses en grand. Et j'ai changé de domicile, mais pas de sentiment. La mentalité du bendo, j'pars de zéro. J'suis déjà tombé, j'sais comment me relever. J'vois plus haut, j'pars de zéro. J'suis déjà tombé, j'sais comment me relever. Joyeux Noël à vous tous, merci d'avoir choisi Master. Aujourd'hui c'est vendredi, le 25 décembre, toute l'équipe vous souhaite un excellent Noël à vous tous. DJ Florent au platine, comme tous les vendredis soirs, oui, même le jour de Noël, il est là, 19h30, 21h, ça continue sur Master. Chaque semaine, DJ Florent, il mixe. Mashup, c'est sur Master. C'est sur Master. Pardon bébé, je suis désolé, j'arrête la bibi dès demain. J'ai dû vendre du doré pour tenir l'or. Le numéro est erroné. Et ma douleur vient de gorer. Mes regrets partis à la mer. Sors du 9-1 des paysans. 4-5 corbales, 10 capardas. J'hésite à venue Champs-Élysées. Maintenant je touche plus que papa. Elle veut que je sois son allié. Prends des ennuis et des armes. Si tu veux que je te soulève, bah ramène ton cul à la salle. Bye bye bye. Si je suis en 9 mm, vous ne serez pas de taille. Dans le carré à toutes les meufs, il n'y a plus de place. Je veux pas être un intérimaire, je préfère le détail. Elle veut d'une relation stable, pas d'un criminel. Bébé, je traîne dans la night, je suis un criminel. Elle ne rêve que d'Ibiza, pas d'un criminel. Charolo, ça c'est le gang que des criminels. Du Versace, elle veut ça. J'ai le cœur casse-nassé, j'ai percé de ouf sa mère. Je mange que des crustacés, je fais de l'import export. J'ai le produit de toutes les sortes. J'suis violent quand j'suis en hess. Faut toujours que j'grasse ma pièce. Shopping, balade sur les champs. Pillage dans la caisse. Higo, ça vient d'où? Chacal, bienvenue dans la jungle. J'ai dit Higo, ça vient d'où? A deux doigts de vesti, le cœur plein, les ennemis ont plainté. Elle dit que si je l'aime, je dois fermer les yeux sur le rinté. Bye bye bye. Si je suis en 9 mm, vous ne serez pas de taille. Dans le carré à toutes les meufs, il n'y a plus de place. Je veux pas être intérimaire, je préfère le détail. Elle veut d'une relation stable, pas d'un criminel. Bébé, je traîne dans la night, je suis un criminel. Elle ne rêve que d'Ibiza, pas d'un criminel. Charolo, ça c'est les gangs que des criminels. Du Versace, elle veut ça, pas du RSA. Vive la vie d'artiste et ses privilèges. Une vie cachée, elle veut pas, poser, elle veut ça. Mais je ne peux pas, je suis un criminel. Crois-tu pas que je sais ce que je fais? Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Tellement longtemps que je fais la guerre. Le prochain c'est Damso, me fais pas jurer la vie de ma mère. Chacun sa croix, chacun sa Elvira. La paix sera toute nouvelle, peut-être qu'on l'appréciera. Je crois en Dieu à ma manière, c'est moi pas Jésus qui me guide. Un demi-siècle, je suis au pouvoir, peut-on parler de génocide? Tu préfères le raconter, moi je préfère le vivre. J'ai dû réécrire tous ces livres, je dois faire le plein pour faire le vide. 9-9 de cellulite, pas dur d'écouler tous ces litres. Je ne serai jamais un mythe, j'ai bien griffonné tous ces titres. Lias de billets si haut, toi l'IB, là je perds l'équilibre. Sur écoute à droite, à gauche, j'ai dû faire sauter toutes les lignes. Elle m'a cherché dans tous les tas, elle a frappé à toutes les suites. Y'a que Didier qu'on aime pas, j'passe au salam à toute l'équipe. Trop d'argent, je n'arrive plus, mais hamdoulah j'ai tout. Elle dit que je l'ai niqué, seul je l'ai pas, j'ai tout. 7-0 sur l'échec, poteau j'ai plus 20 ans. Vide la caisse et vide salope, le changement c'est maintenant. La peine tiendra pas longtemps, si Adpi ne fait pas son chiffre. Yonkli n'a pas son fixe, t'es au terme et t'as pas ton shit. Tout fait son précis vite, ici un heure reste sans suite. J'suis au placard, j'vois pas mes mômes, mais même Trick voit pas son fils. Ce n'est qu'un au revoir, si haut de l'autre côté des lois. J'passais une commande Uber Eats pendant que j'lui mettais des doigts. Je sais que tu vas la retourner, donc j't'ai mis ta veste à l'envers. Espèce donc tu les drogues, hein, j'vais te mettre dans un banc à l'enfer. Et ceux qui ont sorti le glaive, y'a ceux qui ont pas j'ai bout. L'alcool sur la table, c'est pour les tchons. J'suis pas ébou, j'ai trop d'argent, je n'arrive plus. Mais hamdoulah j'ai tout. Elle dit que je l'ai niqué, que je l'ai pas, j'ai tout. You got it. dansen ga mee. Retourtje, retourtje. We pakken geen enkel. Retourtje, retourtje. Draai met die benkel. Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Loco, locomotief. Andere trein, bijna gemist. Draai op mijn pook, ben de treinmachinist. Bles is te groot, heb een kleine gefixt. Bij jou doet ze zo, maar bij mij is ze lid. Ze doet lijf, zo we blijven met dopie. Heel de club is van mij, ze gelooft niet. Ze doet blij, dus ze wijst met een rolie. Wordt gezet dat de trein was, de sport niet. Fouilleren, fouilleren. Dikke tieten, ik scande. Fouilleren, fouilleren. Anders mag je niet verder. Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Dit is een andere trein. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque semaine ici, DJ Florum. C'est vrai que c'est long, hein, une semaine sans DJ Florum, une semaine aussi sans Jean-Pierre Pernaud. Mais DJ Florum est là pour nous, hein, pour nous ambiancer comme tous les vendredis, entre 19h30 et 21h. Je fais une petite parenthèse sur Jean-Pierre Pernaud parce que, oui, il faut savoir que DJ Florum était très affecté par le départ de Jean-Pierre Pernaud. Donc il a fait assez régulièrement la fête cette semaine. Je sais pas, peut-être que c'était aussi pour fêter Noël. Bon, bah on fête Noël ici, en tout cas ici sur Master avec DJ Florum au platine. Ça continue. Et maintenant DJ Florum, DJ Florum, DJ Florum, DJ Florum, DJ donde rico, donde rico, donde rico.

tika, aïe aïe aïe, allo tika, andeya, allo tika, aïe aïe aïe. Un petit cafrinec, un petit café rentre là-dedans. Papou disa tu fais en plus parce que créole, il aime la danse. A la le cassement, c'est quoi cassement, c'est quoi cassement, cassement les reins. A la le cassement, c'est quoi cassement, c'est quoi cassement pour rouler les reins. Alors danse, tu m'as dansé, danse, danse, tu m'as dansé, danse, roule, tu me fais danser, danse, tu me fais danser. La maman y parle pour faire dodo. Titi kaki nous témoigne, la réunion y donne cadeau. Azoti, ton anniversaire, Azoti. Ton anniversaire, Azoti. Quelle qualité qu'a donna donna tu. Alla le cassement, c'est quoi cassement, c'est quoi cassement, cassement les reins. Alla le cassement, c'est quoi cassement, c'est quoi cassement pour rouler les reins. Alors danse, tu m'as dansé, danse. Coiffé simirante, mais des balas, voilà. Révélation comme si pas là. Peux pas ton tête, mina, please, que si pas là. Nous, j'ai les baillas, ou les dans la paya. Dans mon whisky, y'en a tant, il a paya. Nous, après, si n'a pour faire toute la caillasse. Billy dans mon capsule, et fait mouiller comme Zaya. DJ Sebwell comme My Zion, Zion. Ça ou la tous les pas prémis, ça balance un gros frappe. Risque à bout des rats, vous décolle avec un véritable bandit cop. Mimassio comme un flac, envahissant, il devient mauvac. Roulez dans le flux, dans le vape, cap, cap dans la tête, ça son gras. Les mêmes au flot au millimètre. C'est qui ton même les mêmes, ça tue un anneau, même les mêmes. Les mêmes le sol carré. Passe-moi attrapé, envoie une passe carré. Les mêmes au flot au millimètre. C'est qui ton même les mêmes, ça tue un anneau, même les mêmes. Les mêmes on laisse ça comme Pogba. Dada m'a mis les holages, mais il voit de bateau, il flotte pas. Deuxième couplet, où t'es à ton si mi flotte. Emmène une nappe avec un carnet, fais chauffe. Mi gada ça change, coulé comme Nodomi. Bonne souffre comme mi, bête, pouffe comme mi. My nigga, à soi nous râle, ça on m'a gagné à ti. Envoie la ouate, bouffe et bouge tout là. Là où la soule est pas prémis, ça balance un gros frappe. Risque à bout des rats, vous décolle avec un véritable bandit cop. Mi massio comme un flac, envahissant, il devient mauvac. Roulez dans le flux, dans le vap, cap, cap dans la tête, ça son gras. Les mêmes au flot au millimètre. C'est qui ton même les mêmes, ça tue un anneau, même les mêmes. Les mêmes le sol carré. Passe-moi attrapé, envoie une patte carré. Les mêmes au flot au millimètre. C'est qui ton même les mêmes, ça tue un anneau, même les mêmes. Tout sur la tête, mais voilà, faut les enfler. Pomper la tête, là, il risque à pomfler. Il rétrograde, puis c'est l'esprit, ça m'enfle. Parce que le son malheureux, toi, il capte la moque. Mais bon, là, cette année, on dirait, la fin arrive la mode. Pas difficile, flambé pour moi, mais toi, mais allume, mise moque. Ma prend mon temps, ma remontée, reste à la yé, sans pas la coque. Sans ou la soulée, pas prémis, ça balance un gros propre. Risque à bout des rats, vous décolle avec un véritable bandit cop. Mimassio comme un flac, envahissant, il devient mauvac. Roulez dans le flux, dans le vape, cap dans la tête, ça son drap. Les mêmes au flot au millimètre. C'est qui ton même les mêmes, ça tue un anneau, même les mêmes. Les mêmes le sol la carré. Passe-moi net, envoie pas de carré. Les mêmes au flot au millimètre. C'est qui ton même les mêmes, ça tue un anneau, même les mêmes. Les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes les mê

奏まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほど未降からジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうオリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids Thank you Haters take it personal Like a Canada type That's all nailed down Oh, let's go Knock, knock, chew my money Let's go Hot sun, shiki, chew my ozone Let's go, let's go To hear a little up On the level color Let's go Need you, one girl Just let me go New day, so let's go Hey, boy 吹き飛ばすノイズ邁進してますんでゲット当然の数も増えてますベーシックはサプライズでマジ毎日が危ないぜ忍者風賢者風だけど芸者フェイクの惑星からのシャー See me in the parking lot 7-11 is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We rock and the wheels are flat Can't beat that with a baseball bat Like a cool one, 休暇通すな待てばいいぜ即歳 Yo, intercept 出して国際的犯罪は犯罪 For the hands up ファレルがボムポスト Drop that spoon in the four balls From far east coast to どうせ最後 は私のコンサート And extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top. I wanna ride. I do a giggle. Rolling to side. Spit in my mouth. Look in my eyes. Pussy is wet. Come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play. I wear disguise. I want you to park that big black truck right in this little garage. Follow me, drip down inside of me, quick jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a nigga running me. Talk your shit, bite your lip, ask for a call while you ride that dick. You really ain't never got a fucking poor thing. He already made his mind up before he came. Now get your boots, hang your coat for this wet ass pussy. He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy. Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy. Now make it rain if you wanna see some wet ass pussy. Look, I need a hard hit, I need a deep stroke, I need a Henny drink, I need a weed smoke, not a garden snake, I need a King Cobra with a hook in it, hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Pussy A1, just like his credit. He got a beard, when I'm tryna wet it. I let him piss, now he diabetic. I don't wanna spit, I wanna go, I wanna gag, I wanna choke. I want you to touch that little dandy thing that's slinging the back of my throat. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eats ya. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet ya. If it don't hang, then he can't bang. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he fuck me and ask who's is it, when I ride the dick, I'ma spell my name. Yeah, you fucking with some wet ass pussy. In a bucket, in a mop. some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's some wet ass pussy. Huh. Le classique électro arrive tout à l'heure, sélectionné par DJ Florum. En général, c'est un classique électro des années 2000. Mais là, je peux pas vous dire, hein, c'est peut-être une surprise. DJ Florum continue de mixer vos hits, maintenant urbain, électro, dans une seule radio. C'est Master, DJ Florum, le mashup, jusqu'à 21h. DJ Florum. That lives like a king. Tócame. Dale. Like a king. Tócame. Dale. down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to getting down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to getting down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da down down down. Florent au platine jusqu'à 21h. C'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. N'oubliez pas de télécharger les podcasts, de liker nos réseaux sociaux, MasterFM France, @MasterFM France. Ça, c'est la page Facebook ou Instagram. Ça fait toujours un petit plaisir. Un petit peu plaisir, un petit like. Voilà, ce sera votre cadeau de Noël pour nous. Un petit like sur nos réseaux sociaux. Le classique électro arrive avec DJ Florum. 21h, c'est Hypertrax, de la dance, de l'électro avec DJ Léviathan. Et 22h, Master Club pour de la house, bass house et électro. En non-stop, sans pub, jusqu'à 4h du matin. Encore un joyeux Noël à vous tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Master. On se retrouve la semaine prochaine avec Flo, 19h30, 21h. Chaque semaine, DJ Florum, mix. Mashup. C'est sur Master. Sur Master. Tricky at times.